Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 8, colonne 3. Nouvelle des cantons de l'Est. Mégantic. Monsieur Ferdinand Legendre a été nommé de nouveau gérant des moulins nantais avec augmentation de salaire. Bolton Forest. Une vingtaine d'hommes sont sans travail par suite de la faillite Barlow, qui a causé la fermeture des carrières de la Compagnie du Sud-Est. Arthabaska. Messieurs Felton et Barwis ont récolté des feuilles de tabac mesurant 3 pieds et 3 pouces de longueur. Mardi et mercredi de la semaine dernière a eu lieu la plaidoirie dans la contestation d'élection de Mégantic. La cause a été prise en délibéré par l'honorable juge Plamondon. Stratford. L'usine d'amiante de l'honorable M. Irvine marche à merveille. 75 hommes y sont employés journellement et la tonne d'amiante se vend jusqu'à 5 piastres. 85 tonnes ont été expédiées en Écosse par le dernier steamer. Coleraine. Monsieur Sénécal possède ici un bel établissement pour l'extraction de l'amiante. Monsieur Lyonnais en est le directeur. Toute la matière tirée de ces mines est expédiée en Écosse où l'amiante est employée dans la mécanique. Whedon. Dimanche dernier, 8 jours, des voisins aperçurent des flammes sur la maison de M. Magloire de Mers, cultivateur et ancien marchand. On parvint aussitôt à éteindre le commencement d'incendie. Mais quelle ne fut pas la stupeur de M. de Mers et des autres personnes en s'apercevant que le toit de la maison était imbibé d'huile de pétrole. Des incendiaires avaient donc passé par là. Vendredi dernier, dans la soirée, le feu apparaissait de nouveau dans la même maison, mais cette fois, quelques efforts que l'on fit, tout fut dévoré. On parvint seulement à sauver les bâtiments avoisinants. Les pertes sont évaluées au-dessus de la somme assurée. Si la justice met la main sur les coupables, elle fera bien de les pincer pour deux crimes, car il est évident que les mêmes mains ont accompli ces forfaits. Richmond. On parle ici de construire une digue considérable sur le ruisseau qui se décharge dans la rivière Saint-François. Cette écluse formerait un lac de 300 arpents en arrière de la propriété Hill qui alimenterait plusieurs manufactures. Le coût serait, dit-on, de 10 000 $ seulement. Il est à espérer que ce projet sera mis à exécution. Les travaux du couvent avancent rapidement. Dans quelques jours, la maçonnerie sera terminée et l'intérieur sera, dit-on, complété dans 3 mois. Cet édifice a 60 pieds par 40 et sera couvert en ardoise. Messieurs Lafontaine et Roussin de Roxton Falls ont terminé un aqueduc qui fonctionne admirablement bien et sera d'un avantage considérable pour cette ville. Outre celui de fournir aux contribuables de l'abonneau, il aura aussi celui d'arrêter les incendies. La pression est aussi forte qu'à Montréal. Les travaux ont été bien faits et le service de l'eau pour les maisons et les bornes fontaines s'accomplit avec une grande régularité. Le Collège Saint-François ouvrira ses cours le 20 courant dans les nouveaux bâtiments. Le personnel des professeurs a été réorganisé. Mmh.